Page 113. Exercice 4. 1. Les deux petits garçons se sont battus et je peux te dire que la bagarre a été assez violente. 2. Zina cherche à calmer un peu les choses et à éviter les disputes avec ses collègues. 3. Ce jeune garçon joue très mal du violon, mais il s'obstine à jouer du Bach. C'est affreux. 4. La découverte de cette escroquerie a stupéfait tout le monde, sans parler des conséquences que cela aura. 5. Cette étudiante était timide et fragile, mais avec le temps et l'expérience, elle a acquis de la force et de la confiance. Elle sait mieux se défendre maintenant. 6. Dans tous les magasins, j'entends exactement la même chanson. C'est insupportable. 7. Sans argent, on ne fait rien. Comment veux-tu organiser une grande fête avec un si petit budget ?